Amen. So just as you know, on Sunday our message. Mama, my Lord is also go through again today. And there are other things that the Lord always one of two things he always add to the message for us. Amen. Amen. So that we can understand any better. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today we talked a lot about, you know, just like on Sunday, on Mark 9, then the reason why Christ's kingdom is called the kingdom of faith. Wir werden heute viel zu Markus 9 sprechen und uns über die Frage unterhalten, warum das Königreich Gottes das Königreich des Glaubens genannt wird. On va parler aujourd'hui de Marc 9 et on va savoir, on va remarquer pourquoi le royaume des cieux, l'Éternel appelle le royaume de la foi. Christ's kingdom is called the kingdom of faith. Das Königreich von Christus ist auch das Königreich des Glaubens. Le royaume des cieux, c'est aussi le royaume de la foi. And we must know the reason why it is called the kingdom of faith. Und wir sollten den Grund wissen, weshalb es das Königreich des Glaubens heißt. Et on doit savoir la raison laquelle l'Éternel l'appelle le royaume de la foi. And we will also talk about the balance of grace and faith as time permits us. Und wir werden auch über das Gleichgewicht von Gnade und Glauben sprechen. Et si le temps nous permet, on va parler aussi de l'équilibre entre la foi et la grâce, voilà. Amen. Because we are not saved by grace alone, and we are not saved by faith alone. Mm. Denn wir sind nicht allein durch die Gnade errettet, aber wir sind auch nicht allein durch den Glauben errettet. Parce qu'on n'est pas seulement sauvé à travers la grâce, et ni non plus on est sauvé seulement à travers la foi. We are saved by the two, by both. Wir sind durch beide errettet. On est sauvé à travers les deux. And both must be balanced. Und beide müssen zu einem Gleichgewicht stehen. Et les deux doivent avoir un équilibre. Amen. A lot of the so-called God people do not understand anything. Grace. Und viele sogenannte Kinder Gottes verstehen dieses Prinzip nicht. Et il y a beaucoup de soi-disant enfants de Dieu qui ne comprennent pas ce principe. And they don't also understand what faith is. Also. Und sie verstehen auch nicht, was der wahrhaftige Glaube wirklich bedeutet. Et nous non plus, ils ne comprennent pas aussi ce qui signifie la foi. For them, faith is just collecting things from God. Für sie bedeutet Glaube, etwas von Gott zu bekommen. Pour eux, la foi, ça signifie de recevoir quelque chose de Dieu. And that is not the kingdom of heaven. Aber das ist nicht das Königreich des Himmels. Et ça, c'est pas le royaume des cieux. The kingdom of heaven, you already have everything. Denn im Königreich des Himmels hast du bereits alles. Parce que dans le royaume des cieux, tu possèdes tout. You are not planning, you are not praying and fasting to get things. Du betest und fastest nicht, um die Dinge zu erhalten. Tu n'oses pas à faire des jeûnes de prière pour recevoir des choses. For them, you know, faith is just getting things from God. Aber für diese Menschen geht es im Glauben nur darum, Dinge von Gott zu erhalten. Mais pour ces gens-là, pour eux, la foi, ça signifie seulement de recevoir quelque chose de l'Éternel. And that is the system of religion today. Und das ist das heutige System der Religion. Et ça c'est le système de la religion aujourd'hui. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. God kind of grace and God kind of faith. Amen. Amen. They are different from that of the natural. Gottes Gnade und Gottes Glaube ist anders als der Glaube und die Gnade. Die der Mensch kennt. La foi et la grâce de Dieu, de l'Éternel, c'est différent de ce que la religion ou bien l'être humain appelle la grâce et la foi. The kind of grace is different from religious grace. Gottes Art von Gnade ist anders als die Gnade der Religion. La grâce de Dieu, c'est différent de la grâce de religieux. Just as his kind of faith is different from religious faith. Genauso wie seine Art von Glaube auch anders ist als der Glaube der Religion. Tout comme la foi de l'Éternel, c'est différent, elle est différente que la foi des gens religieux. Again, there is the natural grace and faith. Denn es gibt den natürlichen Glauben und die natürliche Gnade. Il existe une foi et une grâce naturelle. Amen. Amen. And also there is also the natural the religious grace and the religious faith. Und es gibt die religiöse Gnade und den religiösen Glauben. Et en même temps, il existe aussi la foi et la grâce religieuse. Amen. Our teaching here is Christ Jesus kind of grace. Und das, was wir hier lehren, ist die Gnade und den Glauben von Christus Jesus. Mais notre enseignement ici, nos messages ici, c'est seulement la grâce et la foi de Jésus-Christ, de Dieu. Amen. So also, Christ Jesus kind of faith is our teaching. Und genauso ist der Glaube auch von Christus das, was wir hier lernen. Et notre enseignement, notre message ici, ce qu'on apprend ici, c'est la foi de Jésus-Christ. It means what heaven calls grace and faith. Und das ist das, was der Himmel auch Gnade und Glauben nennt. Et ça, c'est ce que le royaume des cieux appelle la grâce et la foi. You know, the Muslims, they talk and reply people with their Allah. Muslime beispielsweise sprechen Menschen mit Allah an. Et les musulmans, par exemple, eux, ils répondent aux êtres humains, aux autres, avec leur Allah. Allah's grace, amen. Beispielsweise Allahs Gnade. Ça, c'est la grâce de Allah. You know, I don't know if you have heard this word from them. Inshallah. They will say Inshallah. I don't know if you have heard it from them. I've heard it a lot from them. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Which is, they are referring to their Allah's grace. Vielleicht hast du auch schon mal von Inshallah gehört, was so viel heißt wie die Gnade von Allah. Wenn Gott will. Mm. Et peut-être tu as déjà écouté parler des musulmans, par exemple, quand ils parlent, ils te disent toujours Inch'Allah. Ça signifie, ils parlent de... ils sont toujours en train de référer de la grâce de leur Dieu, Allah, par exemple. Donc, si leur Dieu veut. Amen. They always say by His grace. They always say if He will. Amen. Also, sie beziehen sich auf die Gnade ihres Allahs. Donc, ils disent toujours, se réfèrent toujours à la grâce de leur Dieu, Allah. That is not of Christ Jesus. Und das ist nicht von Christus Jesus. Et ça, ce n'est pas de Jésus-Christ. Are you getting it? Mm-hmm. It's not from Christ Jesus. It's not from the only true God. Es ist nicht vom einzig wahrhaftigen Gott. Donc, c'est pas de Jésus-Christ. C'est pas du seul vrai bon Dieu. And we know that whatever is not of Christ is Satan. Und wir wissen, dass all das, was nicht von Christus ist, der Satan ist. Et nous, on sait que tout ce qui n'est pas Jésus-Christ, ça vient du diable. Any grace that is not based on the finished work of Christ is Satan. Jede Gnade, die nicht auf dem fertigen Werk von Christus basiert, ist der Satan. Chaque grâce qui n'est pas basée sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, ça c'est le diable. It is an evil grace. Und es ist eine bösartige Gnade. C'est une mauvaise grâce. Amen. Praise the Lord. Une grâce diabolique. Let's go to 1 John 5, please. Lesen 1 Johannes 5. On va lire 1 Jean 5. First John 5:17. Also Johannes 5, Vers 17. 1 Jean 5, 17. Are we there, please? Mm-hmm. All unrighteousness is sin. Amen. All are not some. All. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Jede Ungerechtigkeit. Ici, il dit toute mauvaise action est un péché. Donc, toute. Amen. Praise the Lord. Amen. He said all are not some. Amen. All unrighteousness is sin. In Romans 14, let's go to Romans 14. Wir lesen Römer 14. On va lire Romains 14. Romans 14, verse 23. Römer 14, Vers 23. Romains 14, verset 23. He said, and he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. There's no other way. Whatsoever is not of faith is sin. Mm. Whatever is not of Christ is sin. Mm. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Das heißt, alles, was nicht aus Christus geschieht, ist Sünde. Mais celui qui a mauvaise conscience en consommant un aliment est condamné par Dieu, parce qu'il n'agit pas selon une conviction fondée sur la foi. Et tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est péché. Amen. It's not just Christ. It's the finished work of Christ. Das heißt, es geht nicht nur darum, sich auf Christus zu basieren, sondern auf das fertige Werk von Christus. Donc ça signifie que tu, c'est pas que tu dois seulement voir le Christ, mais tu dois voir l'œuvre accomplie du Christ. Amen. Amen. Christ without the finished work of Christ is Satan. Christus ohne das fertige Werk von ihm ist gleichzustellen mit dem Satan. Donc ça signifie que même si tu considères le Christ sans l'œuvre accomplie du Christ, là c'est l'œuvre du diable. Amen. What made Christ Christ is the, is it is his finished work. Denn das, was Christus ausmacht, ist sein fertiges Werk, was er vollbracht hat. Parce que ce qui valorise le Christ en soi, c'est son œuvre accomplie, parce qu'il a déjà tout, oui, tout accompli. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. And the question now is, what is righteousness? Die Frage ist also, was ist Gerechtigkeit? Et maintenant la question est que, qu'est-ce qui est la justice? Amen. This period, righteousness is believing the finished work of Christ. In die Gerechtigkeit dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist an das fertige Werk von Christus zu glauben. En ce moment où on se retrouve ici, notre justice, c'est quand on est en train de voir, de considérer l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. It is not just believing Christ, but believing the finished work of Christ, which is his blood. Es geht nicht nur darum, an Christus zu glauben, sondern es geht darum, an sein fertiges Werk zu glauben, was gleichzeitig auch sein Blut ist. Donc ce qui nous rend juste, c'est pas seulement voir Jésus-Christ, mais c'est de voir, d'être capable à voir l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, ce qui signifie aussi son sang. Are you getting it? There's a difference between believing Christ and believing the finished work of Christ. Es gibt einen Unterschied darin, Christus zu glauben oder an sein fertiges Werk zu glauben. Donc il y a une différence entre de croire en Jésus-Christ et de croire à son œuvre accomplie. Amen. Amen. Depending on the finished work of Christ is our righteousness. Sich auf das fertige Werk von Christus zu verlassen ist unsere Gerechtigkeit. Et quand on est en train de dépendre à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, c'est ça qui nous rend juste. It is also our holiness. Und das ist auch unsere Heiligkeit. Et c'est comme ça qu'on est aussi pur, saint. C'est notre sainteté. Amen. Amen. No religion, they believe that you are getting holy little by little. Gradually. You are no longer lying like before. You are no longer stealing. The kingdom of heaven, holiness is based on the finished work of Christ, believing it, depending it, and trusting on Christ Jesus. Und in der Religion wird geglaubt, dass du von Etappe zu Etappe heiliger wirst, indem du beispielsweise immer aufhörst zu lügen und dann hörst du auf zu stehlen und dass du dadurch immer heiliger und heiliger wirst. Aber im Königreich Gottes basiert deine Heiligkeit auf dem fertigen Werk von Christus. Donc la religion ou bien les gens religieuses veulent toujours nous faire comprendre que tu es saint seulement quand c'est être saint, c'est ça passe à travers les étapes, donc petit à petit. Mais non, nous dans la vérité, on sait que notre sainteté est basée sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Dès que tu considères son œuvre accomplie, là tu es déjà saint. C'est pas une chose qui vient petit à petit. If you go to Ephesians 4, it's a put on. Let's go there. Ephesians 4, please. Wir lesen Epheser 4. On va lire Ephesians 4. Ephesians 4. Put on. Look at it. In verse 24. Ephesians 4, verse 24. Ephesians 4, verse 24. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Put on the new man. That is, remember the finished work of Christ. Amen. Sie darum, den neuen Menschen anzuziehen. Das heißt, sich an das fertige Werk von Jesus Christus erinnern und das anzuziehen für sich selbst. Donc, Ephésiens 4, 24, revêtez-vous de la nouvelle nature. Non? Et quand tu lis ça, ça signifie aussi de se rappeler de l'œuvre accomplie de Jésus Christ. Amen. It means remember the finished work of Christ for you. Es bedeutet, dass man sich an das fertige Werk von Christus für sich selbst erinnert. Donc ça signifie que tu te rappelles de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ pour toi-même. Amen. Amen. And that is how you live holy. That is why you live righteous. Und so lebst du auch heilig. Et c'est comme ça que tu vis aussi saint. Amen. Amen. The old righteousness and the new righteousness are two different righteousness. Die alte Gerechtigkeit aus dem alten Bund und die neue Gerechtigkeit sind zwei verschiedene Gerechtigkeiten. L'ancien justice et la nouvelle justice à travers le, la nouvelle alliance sont deux choses différentes. The old was believing in God. That's the old. In der alten Gerechtigkeit ging es darum, an Gott zu glauben. Dans l'ancienne justice, il s'agissait de croire en Dieu. The new is the believing the finished work of Christ. Und in der neuen and not just believing in God. Amen. Und in der neuen Gerechtigkeit geht es darum, an das fertige Werk von Christus zu glauben und nicht nur an Gott allein zu glauben. Mm, amen. Et dans la nouvelle justice, dans à travers la nouvelle alliance, il s'agit de croire à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, pas seulement de croire en Dieu, mais de croire à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. In John 14, verse 1, Jesus said, believe in God, believe also in me. In Johannes 14, Vers 1, sagt Jesus, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Et à Jean 14, verset 1, là Jésus-Christ dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. You cannot go to the, you know, you cannot have the true God by going through God. Mm. You can only have the true God by going through Christ. Mm. Du kannst den wahrhaftigen Gott nicht erkennen, indem du zu Gott gehst, sondern du brauchst Jesus Christus, um zu dem wahrhaftigen Gott zu gelangen. Donc ça signifie que tu n'es pas capable à connaître Dieu quand tu pars seulement vers Dieu. Non, tu es seulement capable de connaître Dieu quand tu pars vers Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Amen. In John 14 is there. John 14. He said, I am the way. The way, the only way to the true amen, God. Amen. The way. There is no other way. You cannot go through God to God. You can only go through Christ Jesus to God. To the only true God. Und Johannes 14 sagt Gott, ich bin der Weg, der einzige Weg. Das heißt, du kannst nicht zu Gott gehen, um zu Gott zu gelangen, sondern du musst durch Jesus Christus gehen, um zum wahrhaftigen Gott zu gelangen. Et dans Jean 14, l'Éternel Jésus-Christ dit ça aussi lui-même. Il dit que moi, je suis le chemin vers Dieu. Donc, tu peux pas pour traverser, pour arriver vers l'Éternel Dieu, tu dois d'abord traverser, prendre le chemin. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. I hope you understand. In John 14, let's go there and on and va le lire ensemble. Amen. Und wir gehen zu Johannes 14 und schauen uns die Stelle an. Jean 14. First of all, verse 1. Johannes 14, Vers 1. Jean 14, verset 1. He said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. You get it? Amen. You believe in God, believe also in me. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Il dit, ne soyez pas inquiets. Ayez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Amen. C'est Jésus qui parle. In verse 6, he said, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Amen. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Und in Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen. Jésus dit, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. It is only through me you can get to the true Father. Das heißt, the true God, the only true God. Das heißt, nur durch Jesus wirst du zum wahrhaftigen Vater, zum wahrhaftigen Gott gelangen können. Ça signifie que seul à travers le Christ tu es capable de partir vers l'éternel Dieu, de Dieu. You know, in John 17, verse 3, Jesus said, talk about the only true God. Let's go to John 17. Wir lesen Johannes 17, Vers 3. Und sehen, dass, Jesus dort von dem einzig wahren Gott gesprochen hat. On va lire Jean 17, verset 3 et on va voir que l'Éternel a parlé. Là, il a parlé du seul vrai bon Dieu. Amen. Are we there, please? Mm-hmm. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God. The only, because there are fake gods everywhere. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen, weil es viele falsche Götter auf der Welt gibt. Jean 17, verset 3. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu. Parce que ça signifie qu'il y a aussi autres dieux qui ne sont pas la vérité. The kingdom of heaven is not believe God. Im Königreich des Himmels geht es nicht darum, an Gott zu glauben. Le royaume des cieux, il ne s'agit pas de croire seulement en Dieu. Im alten Bund, da ging es darum, Gott zu glauben. Dans l'ancien alliance, il s'agissait de croire seulement en Dieu. Amen. Amen. Abraham believed God. Go to Romans 4, please. Wir lesen Romains 4. On va lire Romains 4. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 4. Verse 3. Romains 4, verset 3. He said, for what said the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. He believed God. Today is not believing God, it's believing the finished work of Christ. Wir lesen hier, was die Gerechtigkeit von Abraham ausgemacht hatte. Er glaubte an Gott, und das war seine Gerechtigkeit. Aber heute geht es nicht nur darum, an Gott zu glauben. Heute ist unsere Gerechtigkeit, an das fertige Werk von Christus zu glauben. Amen, amen. Et on le voit ici à Romains 4, verset 3, il dit que Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme justice en étant tenant compte de sa foi. Donc ça signifie que la justice d'Abraham, c'était parce qu'il... Il se confie à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, à travers Jésus-Christ, notre justice, c'est quand on tient compte de son œuvre accomplie. Amen. I believe God can never help you today. Ich glaube an Gott, oder ich glaube, Gott wird dir heute nicht helfen können. Le fait que tu crois en Dieu, ça ne va pas t'aider aujourd'hui. The Holy Ghost is only there for Christ's sake. Denn der Heilige Geist ist nur für Christus da. Parce que le Saint-Esprit est seulement là pour le Christ. I believe the finished work of Christ. That is where the Holy Ghost works. Ich glaube an das fertige Werk von Christus. Ist das, wo der Heilige Geist mitarbeiten kann. Le Saint-Esprit peut seulement travailler quand tu crois à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Amen. Amen. If you believe God, you are going to be full of worries. Wenn du Gott glaubst, wirst du immer noch voller Sorgen sein. Parce que quand tu crois en Dieu, tu seras toujours inquiété. It is when you believe the finished work of Christ that the Holy Ghost will help you to be free Amen. From worries. Amen. Aber wenn du an das fertige Werk von Christus glaubst, dann kann der Heilige Geist dir helfen, frei zu werden von diesen Sorgen. Mais quand tu crois à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, c'est là que le Saint-Esprit t'aide à te libérer de tous ces inquiétudes que tu as. Amen. Amen. How? Remember the finished work of Christ. Wie, Amen. Indem du dich an das fertige Werk von Christus erinnerst. Et comment tu le fais? Tu le fais quand tu te rappelles de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. The finished work of Christ means it is already done. It's Amen. A done deal. Amen. Believing God is going to be Amen. Done. I hope you understand it. Amen. Different. Yeah. Das fertige Werk von Christus bedeutet, dass es bereits vollbracht ist. Aber lediglich an Gott zu glauben bedeutet, dass du immer noch daran hoffst, dass es getan wird. Donc, pour comprendre la différence de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et de croire en Dieu, c'est quand tu crois en Dieu, tu crois qu'il va le faire. Mais quand tu crois à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, là, tu sais qu'il a déjà fait. Donc, il y a une grande différence. Praise the Lord. Alléluia. Abraham believed God. At that time, it was right. But now, you know, just believing God is not enough. Abraham glaubte Gott und zu der Zeit war das ja auch richtig, aber jetzt reicht das nicht aus, lediglich an Gott zu glauben. Dans l'ancienne alliance, Abraham a cru en Dieu et c'était suffisant pour lui pour que Dieu puisse compter sa foi comme justice. Mais nous aujourd'hui, c'est plus suffisant parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli pour nous. Donc ça signifie que on doit maintenant croire à son œuvre. If you see our religions today, it's believe God, believe God, believe God. I don't know if you have noticed it. It's believe God, believe God, believe God. We are talking, you know, heaven is believing the finished work of Christ. That is the difference. Und wenn man sich die Religion heutzutage anguckt, dann geht es nur darum, an Gott zu glauben, Gott zu glauben, an Gott zu glauben. Aber Christus ist der Einzige, der sein vollkommenes Werk vollbracht hat. Und in seinem Königreich geht es darum, an sein vollkommenes Werk zu glauben. Und das ist der Unterschied. Et si on voit aujourd'hui la religion, pour eux, il s'agit toujours de croire en Dieu, croire en Dieu, croire en Dieu, il va faire. Mais dans le royaume du Christ, il a déjà tout accompli et on sait qu'il a déjà fait. Donc, on croit seulement à son œuvre déjà accomplie, encore une fois. Praise the Lord. Hallelujah. Our faith is based on Christ, which is the finished work of Christ. Unser Glaube basiert auf Christus, was das fertige Werk von Christus ist. Et notre foi est basée sur le Christ, qui signifie aussi son œuvre accomplie. Our faith is not based on law. Unser Glaube basiert nicht auf das Gesetz. Notre foi c'est pas basé sur la loi. The old was based on law. Im alten Bund basiert es auf dem Gesetz. Et dans l'ancienne alliance, c'était aussi basé sur la loi. You know, Abraham was the one that believed in God. But today is Christ that believes in Christ. I don't know if somebody's getting it. Abraham hat damals, because you, without Christ, you cannot believe Christ. Abraham hat damals an Gott geglaubt, aber heute ist es Christus selbst, der an Christus glaubt. Amen. Du brauchst Christus, um überhaupt an Christus glauben zu können. Amen. Une fois, Abraham, lui, il croyait en Dieu. Mais aujourd'hui, à travers le Christ qui est aussi en nous, ça signifie que c'est le Christ en nous qui croit aussi au Christ. Donc tu as besoin du Christ pour croire au Christ. Praise the Lord. Amen. Let us look at how Abraham believed God. Romans 4 from verse 17. Wir lesen Römer 4 ab Vers 17 und schauen uns an, wie Abraham Gott geglaubt hat. On va lire Romains 4 verset 17 pour voir comment Abraham a cru en Dieu. He said, as it is written, I have made thee a father of many nations. Before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead and calleth those things which be not as though they were. He's talking about faith. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. In verse 18, he said, who against hope believe in hope? You know, if the old was able to save, you know, to be there for Abraham, mm-hmm. to help him, to be there to continue. Und wir sehen, wie Abraham geglaubt hat, ne, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und den er ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wohin nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt. Und wenn das für Abraham, der im alten Bund war, gültig war, ne, und das für ihn sozusagen gewirkt hat, wie viel mehr für uns im neuen Bund. Mm. Et on voit que dans l'ancienne alliance, Abraham, verset 18, nous fait voir que Abraham, il avait cru sans espoir, non? Lorsque tout espoir semblait être vain, mais il a cru et l'Éternel lui a aidé. Et donc l'ancienne alliance était capable de lui soutenir, de l'aider à continuer à voir Dieu. À combien plus forte raison nous, aujourd'hui, avec notre nouvelle alliance, qui est Jésus-Christ lui-même, qui s'est fait crucifier pour nous aujourd'hui. Avec l'aide du Saint-Esprit, on a plus que ce qu'Abraham avait auparavant. Praise the Lord. You know, Abraham was the one believing in God. Abraham war derjenige, der an Gott glaubte. Donc c'était Abraham qui croyait en Dieu. Today is Christ believing Christ. Aber heute ist der Christus in uns, der an Christus Amen. Glaubt. Mais aujourd'hui, c'est le Christ qui croit au Christ. Amen. Amen. Abraham believed in God, was able, you know, it was righteousness for Abraham. How much more now Christ believing the Father? Mm. Und der Abraham, der an Gott glaubte, wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und wie viel mehr der Christus selbst in dir, der an Christus glaubt. Donc, quand Abraham, dans l'ancienne alliance, il croyait au Père, l'Éternel a vu ça comme justice pour lui. Mais maintenant, à combien plus forte raison toi, aujourd'hui, avec le Christ en toi, tout un grand Dieu en toi. Donc, c'est ça qui te rend encore plus juste et plus saint, en fait. Ouais. Are you getting it? Mm-hmm. You know, the old Abraham, there was not the Holy Spirit must be there to help him to believe God. Mm-hmm. But today, Jesus in John 16, mm-hmm. he said, we need a helper. Mm-hmm. Because without this helper, we cannot believe him. Mm-hmm. We need his own spirit, the Holy Ghost that can live in us, live with us, mm-hmm. so that we are able to believe him. Mm-hmm. Und in der Zeit von Abraham war der Heilige Geist als Beistand noch nicht mal aktiv. Aber jetzt in der Zeit, in der wir hier leben, haben wir den Heiligen Geist. Weil wir den Heiligen Geist auch brauchen als unseren Beistand, als unseren Helfer, der uns hilft, an Christus zu glauben, durch Christus selbst. Donc on voit que l'ancien, l'Éternel lui a donné à Abraham cette grâce et il dit que... pendant que lui, Abraham, il voyait seulement Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, quel privilège on a que l'Éternel nous a donné le Saint-Esprit parce qu'il dit qu'on a besoin de cette aide du Saint-Esprit pour continuer notre chemin avec lui. Et on a une grande privilège comme le Saint-Esprit. Donc, ça signifie qu'on est encore notre alliance aujourd'hui, c'est encore plus fort et plus grand que celle de l'ancien. In verse 19, he said, and be not weak in faith. You know, Christ was never weak once he came to his Father. Und wir lesen in Vers 19, und er wurde nicht schwach im Glauben, und auch Christus ist nicht schwach im Glauben, wenn es um seinen Vater geht. Et verset 19 nous dit que il n'était pas affaibli quand il pensait à son quand il pensait, donc Abraham n'était pas affaibli, et tout comme le Christ, lui ici aussi, il n'est jamais affaibli quand il s'agit de son Père. You can see that everything then they were all pointing to this period. Are you getting it? You can in verse 19 again. He said, "I'm being not weak in faith. He considered not his own body now dead, when he was 100 years old. Neither yet the deadness of Sarah's womb." You know, Christ anytime was going to do things, how his focus was so much on his Father. And if you look at here, if the flesh can do this, the spirit can do more. Und wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir, dass in allem, was er getan hat, er immer seinen Fokus auf seinen Vater hatte. Und wenn wir das vergleichen mit Vers 19, dass Abraham in der Lage war, all das zu tun im Fleisch, ohne den Heiligen Geist, dann können wir jetzt im Geiste viel, viel mehr sogar tun. Et puis on voit verset 19, et on y dit que mais sa foi ne faiblit pas quand il pensait à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Donc, il n'était jamais faible, malgré son corps était presque nul. Et il avait seulement sa foi en Dieu. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas seulement la foi en Dieu, on a tout le Saint-Esprit en nous que l'Éternel Jésus-Christ nous a laissé. Donc, ça signifie qu'il nous a enlevé même la tâche. Donc, c'est encore plus facile, ça doit être encore plus facile pour nous. Amen. I thank the Lord for Abraham. Amen. Ich danke den Herrn für Abraham. Je remercie l'Éternel pour Abraham. In verse 20, he said, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Amen. How much more now? With the help of the Holy Spirit. Amen. For you and me. How to know Christ, believe in Christ. Christ being there for Christ. You know, it's not, you know, that then it was, you know, man between man and God and man and God. But now it's Christ and Christ. Und in Vers 20 lesen wir, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und wie viel mehr gilt das für uns, die jetzt den Heiligen Geist haben, ne, dass Christus durch Christus diese ganzen Sachen tun kann. Donc, verset 20, il nous dit que il ne perdit pas confiance, on ne douta pas de la promesse de Dieu, non? Et ça, c'est vraiment fort parce que aujourd'hui, nous, on a encore une plus grande promesse, on a encore une plus grande aide qui nous aide à tenir bon à cette promesse de Jésus-Christ, de Dieu, qu'il a déjà tout accompli, en fait. C'est le Saint-Esprit. If you understand all this very well, you will not be afraid of anything. Amen. Wenn du all das wirklich verstehst, dann wirst du dich um nichts und niemanden Sorgen machen. Et tout ça, si tu le comprends bien, tu n'auras pas d'inquiet. If you understand this very well, it is no longer man and God. It's now Christ. You will not be bothered about anything at all. Wenn dir wirklich bewusst ist, dass es in der heutigen Zeit, in der wir sind, es nicht mehr um Gott und den Menschen geht, sondern um Christus, dann wirst du dir keine Sorgen mehr machen. Et dans chaque situation, chaque circonstance que tu te trouves, si tu comprends qu'il ne s'agit pas de l'être humain et de Dieu, mais il s'agit de Dieu et Dieu, donc qu'il s'agit du Christ et du Christ, là tu ne vas même pas avoir de peur, tu ne vas pas avoir des inquiétudes. Christ did everything and he said it is finished. Amen. It is finished means it is finished. Amen. And it is not, it is going to be finished. Amen. Christus hat alles getan und gesagt, es ist vollbracht. Und wenn er sagt, es ist vollbracht, dann meint er auch vollkommen vollbracht. Das bedeutet nicht, dass er noch was tun wird, sondern er hat es bereits getan. Jésus-Christ, il a dit que tout est accompli. Il était à la croix, il a dit que tout est accompli. Donc ça signifie pas que tout va s'accomplir. Et quand il dit que il est accompli, là, il parle aussi au présent. C'est valable, il ne ment pas. Don't allow any result or report to bother you. Und lass nicht zu, dass irgendwelche Ergebnisse oder irgendwelche Neuigkeiten dir Sorgen bereiten. Donc ne permet pas à quelques messages ou bien à quelques rapports ou bien à quelques résultats de te oui de t'agiter en fait. Amen. You know, there is the report result of the body we want, the flesh we want. Are you getting it? The man we always want. Amen. You know, we should learn to remind ourselves of Christ. That whatever report or result should not be what makes us to move on. Und es gibt vielleicht einige Ziele oder Ergebnisse, die das Fleisch vielleicht gerne erwarten möchte oder die man selber von sich aus erwarten möchte im Fleisch. Aber wir sollten zulassen, dass all diese Ziele oder Ergebnisse nicht uns beeinflussen auf irgendeine Art und Weise. Et c'est pour cela on doit faire attention parce que quelquefois on a quelque chose qu'on est en train de s'y attendre de nous-mêmes et on doit faire attention que ça puisse pas nous enlever nos yeux de l'Éternel. Amen. Amen. You know that period it was faith under law. That period of Abraham, it was faith under law. In der Zeit, in der sich Abraham befand, war es ein Glaube unter dem Gesetz. Et dans le période où Abraham était se trouvait, c'était la foi qui était au-dessous de la loi. Are you getting it? And now it is faith under grace. Aber die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist der Glaube unter der Gnade. Mais dans notre cas aujourd'hui avec la nouvelle alliance, c'est la foi sous la grâce. And that period, faith under law was working. Are you getting it? It was Abraham and God, and now it's Christ and Christ. Amen. Und in dieser Zeit, in der Glaube unter dem Gesetz war, hat es auch genauso auf die Art und Weise funktioniert. Es war der Mensch gegenüber dem Herrn selbst. Aber jetzt, in der Zeit, in der der Glaube unter der Gnade ist, ist es Christus gegenüber von Christus. Et dans l'ancienne alliance, quand il s'agissait de que quand la foi était au-dessous de la loi, là il s'agissait de l'être humain et Dieu. Et ça marchait aussi comme ça, parce qu'il s'agissait de l'ancienne alliance. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on est dans la nouvelle alliance, il s'agit du Christ. Christ contre Christ, donc Christ pour le Christ, donc la foi est au-dessus de la grâce, et c'est maintenant comme ça que ça doit marcher pour nous. What kind of grace is Christ, and what kind of faith is Christ also? Amen. Gottes Gnade ist Christus und Gottes Glaube ist ebenfalls Christus. La grâce et la foi de Dieu, c'est le Christ pour nous aujourd'hui. Amen. You know, then faith under law was right, but now faith under law is Satan. Damals war der Glaube unter dem Gesetz auch richtig, aber heute ist der Glaube unter dem Gesetz der Satan. Dans l'ancienne alliance, quand la foi était sous la loi, c'était aussi juste. Mais aujourd'hui, depuis qu'il y a maintenant la nouvelle alliance, continue à penser comme ça, que donc genre que la foi puisse continuer à être sous la loi pour nous aujourd'hui. Ça c'est le diable. C'est pas juste. I hope you understand. Faith under grace, it means if you are believing the finished work of Christ. That's faith under grace. The faith under law, you are believing on what you do for him. Glaube unter, and that is not Christ, it's Satan. Glaube unter der Gnade bedeutet, dass du auf das fertige Werk von Christus glaubst und nur darauf schaust. Glaube unter dem Gesetz bedeutet allerdings, dass es darum geht, was du tust, und das ist der Teufel. Donc, on doit encore comprendre une fois que la foi sous la grâce, c'est quand tu vois Jésus-Christ, quand tu vois l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, et ça c'est la vie, ça c'est juste, ça c'est bien, non? Et mais quand toi quand tu vois la foi sous la loi, là c'est l'ancien alliance, et là tu te retrouves dans le territoire du diable, parce que là il s'agit de ce que toi tu fais, pas ce que l'Éternel a fait pour toi. Amen. Faut comprendre la différence. Faith under law is Satan. It is an evil faith. Glaube unter dem Gesetz ist ein bösartiges Gesetz und es ist teuflisch. La foi sous la loi, c'est une foi mauvaise, et ça c'est vraiment diabolique, et on doit éviter d'avoir cette foi. Are you getting it? If you go to James, let's go to the book of James. Wir lesen Jakobus. On va lire Jacques. Verse 26 of first James 2, verse 26. Jakobus 2, vers 26. Jacques 2, verset 26. He said, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is a dead faith. Mm. Amen. Mm-hmm. The work he's talking about is not the work of law, but the work of grace. Mm-hmm. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Und die Werke, von denen hier gesprochen wird, sind nicht die Werke der Religion, dass man was tun muss und was erarbeiten muss. Ja. En effet, also Jacques 2, verset 26, « En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est mort. » Et les actes dont on parle ici, ce n'est pas les actes à travers la religion ou la loi, mais il s'agit de des actes à travers la grâce. Amen. Amen. And that is the religious faith today. And that is the religious grace today. Their grace is based on law. Mm. Und denn das ist die religiöse Gnade und das ist der religiöse Glauben, dass dieser auf Werke basiert. Donc la foi religieuse et la foi, oui, c'est aujourd'hui quand eux ils pensent que quand eux-mêmes ils font, donc c'est basé sur l'œuvre que ce que eux ils font. Our grace is based on grace. What kind of grace? The finished work of Christ. Their grace is based on work. What they do. Mm. Unsere Gnade basiert auf dem fertigen Werk von Christus, aber die Gnade der Religion basiert auf die Werke, die sie vollbringen. Mm. Donc grâce, notre foi et notre grâce, c'est basé sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, mais leur grâce et leur foi, c'est basé sur ce que eux ils sont en train de faire pour l'Éternel. Religious faith is an evil faith. Der religiöse Glaube ist ein bösartiger Glaube. La foi religieuse, c'est une mauvaise foi. Religious faith is against Christ's faith. Denn der religiöse Glaube steht gegen den Glauben von Christus. La foi religieuse est vraiment le contraire et contre la foi de Jésus-Christ. Amen. The old faith, there's a difference between the old faith and the new faith. Es gibt einen Unterschied zwischen dem alten Glauben und dem neuen Glauben. Donc il y a une différence entre l'ancien foi et la nouvelle foi. Again, Romans 4, please. Let's go to Romans 4 again. Wir lesen Römer 4. On va lire Romains 4. Praise the Lord. Hallelujah. The book of Romans again, please. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 4. Romans 4, verse 4. Romans 4, verset 4. It says, now to him that walketh is the reward, not reckon of grace, but of debt. I don't know if you understand here. To him that walketh is the reward, not reckon of grace, but of debt. I hope you understand what we just read here. It said, Grace and debt are two different things. Amen? Mm-hmm. Grace and debt. Debt is when you are owing somebody. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. If you work for me and I pay you, the payment is not based on grace. Mm-hmm. Once you work for me, I'm owing you. Mm-hmm. I have to pay the debt. That's not. Are you getting it? Vers 4, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen der Gnade und der Verpflichtung. Wenn ich beispielsweise einen Arbeiter habe und der für mich arbeitet, dann bin ich ihm verpflichtet, Lohn zu zahlen. Das ist halt so quasi eine Verpflichtung, die ich dann quasi der Person gegenüber habe. Es ist nicht aus Gnade, sondern es ist aufgrund der Werke, die verrichtet wurden. Et en fait, verset 4, si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Donc, ça signifie que la grâce, c'est une faveur. Et c'est pour cela que quand tu crois, par exemple, à l'œuvre accomplie de l'Éternel, si lui, il l'a déjà fait pour toi, c'est pour cela, c'est comme une faveur. Mais quand tu le fais comme si c'était ton œuvre, tu veux te mériter de ça, le salaire que tu auras de ce travail que tu es en train de faire là, c'est parce que on te le doit. C'est pas une faveur en fait. Amen. If you work for me and I pay you, the payment is not under grace, but under debt. Wenn ich einen Arbeiter habe und dieser für mich arbeitet, dann zahle ich ihm Lohn, aber nicht aufgrund meiner Gnade, sondern ich bin ihm verpflichtet, Lohn zu zahlen, aufgrund der Werke, die dieser Arbeiter verrichtet hat. Okay. Genre, encore une fois, quand par exemple tu travailles, il y a quelqu'un qui travaille pour moi. Moi, je veux payer le salaire, par exemple. Et ce salaire-là, je veux lui le payer, pas parce que c'est une faveur, mais c'est parce que c'est une obligation. Non? Et vu que c'est une obligation, c'est pour cela que c'est le contraire de la faveur. Amen. Mm-hmm. And that is what religion called grace. Grace. Und genau das ist es, was die Religion die Gnade nennt. Et ça, c'est vraiment ce que la religion appelle la grâce. La grâce de la religion, c'est une obligation à travers ce que eux ils sont en train de faire pour l'Éternel. That is the grace of Allah. Das ist die Gnade. And not of Christ. Von Allah, aber nicht die Gnade von Christus. Et ça, c'est la grâce de Adala, c'est pas la grâce du Christ. You work to earn it. You work to get it. Du arbeitest, um es dir zu verdienen. Donc tu travailles pour te le mériter. And that is not of Christ. Aber das ist nicht von Christus. Mais ça vient pas du Christ. For that of Christ, Christ works so that you earn. You get it. Are you getting it? He worked for it so that you have it. Bei Christus geht es darum, dass er And not you work for it so that you have it. Bei Christus geht es darum, dass er bereits die Arbeit getan hat und du es dir sozusagen verdient hast. Nicht, dass du die Arbeit verrichten musst. Amen, amen. Donc, dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ, ça signifie que lui, il a déjà travaillé et il te le donne comme faveur. Mais c'est lui qui a fait le travail. C'est pas comme dans la religion que tu travailles pour te le mériter. C'est pour ça qu'on te donne parce que tu te mérites. Non, à cause de l'obligation. Mais lui, il a déjà fait ça et il te le donne ça comme faveur. Are you getting it? Christ's grace is not based on you, but on him. Die Gnade on his finished work. Die Gnade von Christus basiert nicht auf dich, auf deinen Werken, sondern es basiert auf Christus allein, auf sein vollkommenes Werk. Et c'est la raison laquelle que la grâce l'éternelle de Jésus-Christ s'est basée pour de son œuvre accomplie et il nous le donne comme faveur. C'est pour cela hors grâce et c'est pas basé sur ce que toi tu fais pour le mériter. Amen. Là, c'est le travail, c'est une obligation, c'est pas la grâce. Somebody must work for it. Are you getting it? That of religion, you work for it. Man work for it. But that of Christ, Christ work for it. Jemand muss dafür arbeiten. Und in der Religion bist du es selbst, der diese Arbeit verrichtet. Aber in Christus ist er es, der es bereits getan hat und verbracht hat. Donc, en fait, pour mériter quelque chose, il y a quelqu'un qui doit faire ce travail. Pour nous, dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ qui a déjà fait ce travail. Et c'est pour cela qu'il nous le donne comme grâce, comme faveur. Mais dans la religion, c'est eux-mêmes qui travaillent pour se le mériter. Et c'est pour cela que c'est une obligation et ce n'est pas une grâce. Amen. Again, under religion, you walk. Under Christ, Christ walk. Amen. Under religion, you are the one walking. And your work is never enough. Unter der Religion bist du die Person, die arbeitest, aber unter Christus ist er derjenige, der arbeitet. Und die Arbeit, die du unter der Religion verrichtest, ist niemals genug. Donc sous la religion, c'est toi qui travailles. Sous le Christ, c'est lui qui a déjà fait, qui a déjà travaillé, non? Et sous la religion, quand c'est toi qui es en train de travailler, ça ne sera jamais suffisant parce que tu peux continuer à travailler jusque le lendemain. Amen. But under Christ, Christ's work is more than enough. Amen. Aber unter Christus ist die Arbeit von Christus mehr als genug. Mais sous le Christ, le travail du Christ c'est plus que suffisant. Amen. Again in Romans 4, we are still there. Amen. Look at verse 5 and 6. Wir lesen Römer 4, Vers 5 und 6. On va lire Romains 4, versets 5 et 6. It says, but to him that worketh not, But believe on him that justifies the ungodly. His faith is counted for righteousness. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Under Christ, you never walk. Mm. Under religion, you are the one that will keep on walking. Mm. In Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, unter Christus arbeitest du nicht. Unter der Religion bist du derjenige, der selbst arbeitet, der selbst Werke verrichtet. Mm. Verset 5 nous fait voir que dans le Christ, toi, tu ne travailles pas parce que lui, il a déjà travaillé pour toi. Mais si, mais dans la religion, toi, tu vas toujours continuer à travailler. And here he's telling us that we are righteous without our work. Mm. Und Vers 5 zeigt uns, dass wir gerecht sind, ohne irgendwelche Werke verrichtet zu haben. Et Romains 4, verset 5, continue à nous faire voir que nous sommes justes sans avoir, dû travailler pour ça. Amen. It means we are righteous because he worked for us. Wir sind also gerechtfertigt, weil weil Christus selbst für uns gearbeitet hat. Donc nous sommes justes devant le Christ parce que Jésus-Christ lui-même, il a déjà travaillé pour nous. Amen. Amen. It means he did the job. Das heißt, hat die Arbeit verrichtet. Das signifie qu'il a déjà tout accompli son le travail. And in verse 7 and 8, say we are free. We are free. Look at verse 7 and 8. Wir schauen Vers 7 und 8 uns an. On va lire verset 7 et 8. Verse 7. He says, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. That's freedom. Are you getting it? Amen. We are free. Amen. From iniquity, we are free. Are you getting it? And then if I say, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. That's freedom. I hope you understand. Vers 7 und 8 zeigt uns, dass wir wahrhaftig frei sind. Et versets 7 et 8 nous fait voir qu'on est vraiment libéré. Il nous a déjà tout pardonné. Amen. Tout a été effacé. Amen. It means we are free. And we are now back to the period before the fall. Mm. Wir sind wahrhaftig frei und das heißt, wir sind zurückversetzt worden in der Zeit vor dem Sündenfall. Nous sommes réellement libérés, libres. Il nous a transformés encore, transférés encore dans le période avant la chute de l'homme. When relationship with Christ, with the only true God, was direct. Mm. Remember before the fall, how Adam and God, both of them were moving together. Mm. Are you getting it? Mm. Und erinnert euch an die Zeit vor dem Sündenfall, wo der Kontakt zwischen Gott und dem Menschen direkt da war. Genauso wie Adam diesen Kontakt zwischen Gott direkt hatte. Direkt zugänglich war für Gott. Und genau so leben wir heute. Et il nous a transmis encore aux périodes avant la chute de l'homme où le contact entre Dieu et l'être humain était directement, donc sans un autre, un prophète ou je sais pas quoi. Donc c'était direct et c'est maintenant dans ce période-là qu'on se retrouve aujourd'hui. Are you getting it? When there was no fear of anything at all. There was no fear. We go there. Go to Genesis 3, please. Mm-hmm. Und wir lesen 1. Mose 3. Donc, dans ce temps-là où il n'y avait pas de peur, on va le lire à Genèse 3. Genesis 3. Praise the Lord. Alléluia. And if we read, I'll quickly read from verse 1. It said, now the serpent was more subtle than any beast of the field. 1. Mose 3, Vers 1. Which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, had God said, he questioned the word of God. Mm. Are you getting it? Mm. Anytime Satan questions the truth, just reject him. Tell him to shut up. Mm-hmm. Und wir sehen hier, dass der Teufel die Wahrheit angezweifelt hat. Und wenn der Teufel versucht, die Wahrheit bei dir anzuzweifeln, dann sagt ihm, er soll die Klappe halten. Et verset 1, déjà, on voit de Genèse 3, on voit directement que le diable a commencé à douter de la parole de l'Éternel. Et c'est pour cela, rappelez-vous que chaque fois qu'il essaie de le faire avec vous, de douter la parole de l'Éternel, dis-lui de se taire. He said, yea, have God said, you shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. Verse 4. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. You call God a liar. Are you getting it? God said you will die. And this, Satan said, you shall not. You see, God is a liar. You will not die. He just threatened you. Amen. Vers 4 bezeichnet die Schlange den Gott als Lügner. Et verset 4, on voit que pendant que Adam lui dit que Ève lui dit que l'Éternel a dit qu'on ne doit pas manger de cet arbre, lui dit mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Donc c'est comme si le diable ici veut dire que l'Éternel était un menteur. Praise the Lord. It's the same system is still used today to take away people from Christ. Mm. Are you getting it? No, the Christ is here. He said, remain here. Mm. And you know, and Satan will say, and you will say, if I leave here, I will die. Satan will say, you will not die. Mm. Are you getting it? Mm. You just go and look at the other one that's gone. He did die.